que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. J'aurais jamais pensé te rencontrer, mais aujourd'hui je suis plus frustré. J'ai l'impression de voir une éclaircie qui repart à travers le ciel. Dans mes mots, y'a que de belles pensées qui s'entremêlent. Si tu savais à quel point j'étais curieux de me faire niaiser, c'est là que tout a fini par changer sa propre guitare pour allumer cette flamme qui était éteinte au milieu de tes yeux. La peur de vivre une vie de couple pour toi n'est qu'une histoire qu'elle te dit adieu. Je suis fier de faire partie de ta vie, t'as effacé mes nuageries. Ma vie de merde, c'est du passé, maintenant que je suis à tes côtés. Je suis peut-être un gars direct, je pense pas par quatre chemins. Je veux plus vivre dans le dilemme, je plonge dans la vie comme un dauphin. Aujourd'hui, je suis plus angry Sam, vous pouvez m'appeler Sam and Love. Je prends le temps de t'écrire cette lettre, c'est pas pour rien, c'est parce que je t'aime. Aujourd'hui, faut que je te l'admette, je suis perdu dans tes yeux, telle une comète. Vous pouvez m'appeler Sam and Love. Je vis au jour le jour depuis 21 ans. Je me laisse plus abattre par ces petits fainéants. On me répète souvent que l'amour ça dure 3 ans, mais je veux qu'on vive plus longtemps. Qu'on vive plus longtemps. Yo, yo, je vis au jour le jour depuis 21 ans. Je me laisse plus abattre par ces petits fainéants. On me répète souvent que l'amour ça dure 3 ans, mais je veux qu'on vive plus longtemps. Qu'on vive plus longtemps. Yo. Tu savais par combien de chemins j'ai traversé dans le passé. J'ai retrouvé mon parchemin qui m'a glissé entre mes doigts. Je voyais plus de couleurs claires où était passé l'arc-en-ciel. Grandis tel un conifère, je fleuris comme les abeilles avec le miel. J'ai jamais réussi à connaître l'amour, mais avec toi c'est différent. Comme nous on ne prend pas de détour pendant que t'écoutes mon rap. Je veux pas que tu perdes le cap. Écoute mes paroles dans tes écouteurs, tu me donnes la bonne humeur. La dépression saisonnière, je n'ai pas eu full cette année. Ça c'est le jour que je t'ai rencontré que tout a changé. Je veux juste que tu promettes que si l'histoire va pas se finir, asseoir t'as ma parole d'homme de cœur que jamais je te ferai d'horreur. Tu dis que tes relations avant n'étaient plus que toxiques. Dans ta vie pendant un bout c'était rendu un classique. Mais je t'aime tellement, je t'abandonnerai jamais, c'est la dernière chose que je souhaite. Aujourd'hui, appelez-moi Love Me Sam. Je vis au jour le jour depuis 21 ans. Je me laisse plus abattre par ces petits fainéants. On me répète souvent que l'amour ça dure 3 ans, mais je veux qu'on vive plus longtemps, qu'on vive plus longtemps. Je vis au jour le jour depuis 21 ans. Je me laisse plus abattre par ces petits fainéants. On me répète souvent que l'amour ça dure 3 ans, mais je veux qu'on vive plus longtemps, qu'on vive plus longtemps.